Je sens qu'elle va me dire tu es encore très bien. On est au bout du 20e siècle, chérie. Tout le monde s'en fout comment tu joues ta vie. Personne n'entend, personne ne voit. Tu es libre d'aimer la fille que tu voudras. Elle bougera ses cheveux dans un ciel parfumé. Une femme aime avant tout se sentir protégée. L'amour, humour, c'est tellement mieux. On ne se promet jamais que nous serons heureux. Je pense à la chanson d'Eddy. Sous le rainbow, sous le rainbow, j'y suis. Je connais la chambre d'hôtel. Sous le rainbow, je sais d'avance. Sans se le dire, nous entendrons très bien ce silence intérieur qui dit fini. C'était parfait, mais continue la vie, nous en rirons. Elle me dira, nous avons fait ce soir l'amour qu'on n'oublie pas. Elle bougera ses cheveux dans un ciel parfumé. Oh. Et quand le jour viendra, un ange aura passé. L'amour, humour, c'est tellement mieux. On ne se promet jamais que nous serons heureux. Je pense à la chanson. Sous le rainbow, sous le rainbow, j'y suis. Nous avons saisi l'essentiel. Sous le rainbow, je sais d'avance où ça conduit. Sous le rainbow, la pluie nous offre un arc-en-ciel. Sous le rainbow, sous le rainbow.